L'inventaire sexuel du cocu. Cet inventaire va aider votre femme à comprendre pourquoi vous voulez être cocu. Premièrement, à quel âge avez-vous pris conscience de votre sexualité? Mon premier souvenir remonte à l'âge de 9 ans. Des copains d'école qui m'ont dénudé pour voir mon sexe. J'étais très excité. Deuxièmement, décrivez votre première expérience sexuelle. Masturbation, voyeurisme, etc. Vers 12 ans, en vacances chez mon oncle, une masturbation pensant à mon cousin, j'étais excité par son corps. Je l'avais entreaperçu dans la salle de bain et dans la journée lors d'un bain dans la rivière. En même temps, j'étais honteux de songer à un garçon. Et toujours en même temps, la sensation m'excitait terriblement de ne pas être comme les autres, différent de mes copains qui parlaient des filles. Après l'éjaculation, j'ai été honteux, j'avais peur qu'on voit les traces de sperme, je me sentais coupable, sali, tout en souhaitant continuer. Je me suis masturbé à nouveau, sur la même idée, dès le lendemain, je pense. Je sais que je me masturbais beaucoup à l'époque. Troisièmement, décrivez vos pensées et sensations sur votre première expérience sexuelle avec une autre personne. C'était avec ce même cousin, un soir. Nous étions sur des lits jumeaux superposés, moi en haut, lui en bas, il se branlait. Je le regardais, il m'a demandé si je voulais toucher. J'avais le cœur qui battait fort, je me suis laissé glisser. J'ai regardé sa queue, droite et dure. J'ai senti mes doigts qui allaient toucher, la caresser. J'ai eu envie de le prendre dans ma bouche. Je lui ai dit, il m'a dit que c'était dégueulasse, que j'étais une pédale, mais ça ne m'étonnait pas. Il est allé chercher un sac en plastique qu'il a mis sur sa queue et j'ai dû sucer le sac, il a giclé dedans. À la fin, après avoir giclé, il m'a dit « Bonne nuit, tapette ». J'ai aimé être insulté par lui. Je suis remonté dans mon lit, je me suis masturbé sans jouir, j'ai joué le lendemain matin très tôt en pensant à ce que j'avais fait. Je me sentais bien, excité moralement. Je savais que j'avais mal fait selon la morale, mais j'en étais fier. Quatrièmement, décrivez votre expérience vis-à-vis de la masturbation. La masturbation est un acte qui m'a toujours amené beaucoup de plaisir. Je l'ai souvent préféré à des relations sexuelles normales. Je savais en tout cas que la masturbation pouvait compenser des relations plus ou moins réussies. À la vérité, pendant très longtemps, je devais me masturber pour jouir. Je n'avais pas éjaculé pendant l'acte. J'aimais voir les autres jouir ou gicler une fois l'acte fini. Je me masturbais en y repensant et en y prenant toujours beaucoup de plaisir. Lorsque j'ai connu ma reine, cela s'est modifié. Elle arrivait à me faire gicler en elle. Je n'avais plus le contrôle. C'était à la fois merveilleux et effrayant. Au bout d'un certain temps, j'ai imaginé un scénario, inlassablement le même, que j'utilisais pour m'imaginer que c'était celui-ci qui me faisait jouir. L'acte de pénétration se rapprochait d'une masturbation par personne interposée. Je sais aujourd'hui que tout cela provenait de moi. Lorsque je suis parti travailler ailleurs, j'ai repris goût à la masturbation. Depuis, je me suis masturbé de plus en plus souvent sans jouir, en m'arrêtant à l'extrême limite, hors de la présence de ma femme, le soir, dans le canapé en général. Pendant votre adolescence, comment avez-vous vu votre pénis comparé aux autres mâles? Avez-vous honte de prendre des douches devant d'autres garçons, après la gym par exemple? J'ai toujours pensé que mon sexe était petit, même si la suite m'a montré que ce n'était pas vraiment le cas. Dans les vestiaires, je refusais de montrer nu, j'avais peur de montrer ma queue. En plus, je bandais bien souvent lorsque je voyais les autres. J'avais honte de bander et de montrer une petite queue. J'aimais voir les queues des autres, mais j'en ressentais de la honte. J'avais l'impression de me traîner dans la fange, d'être sale, pervers, différent. Pensez-vous que vos expériences initiales ont quelque chose en commun avec votre désir d'être cocu aujourd'hui? Oui, je crois. Voir une autre queue que la mienne emplir un sexe féminin me plaît. Je peux regarder, je peux me branler, je peux toucher autre que, je peux regarder le plaisir sans avoir la responsabilité de celui-ci. Je n'ai pas peur dans ce cas-là, c'est pas moi qui suis en cause. Décrivez votre première expérience de voyeur. J'ai regardé une copine dont j'avais fait la connaissance et un ami qui habitait chez moi qui recherchait du travail. J'ai dû me caresser sans jouir pendant que je regardais et comme à mon habitude, attendre que l'acte soit achevé pour cela. Je me suis masturbé après. J'ai beaucoup aimé, comme il s'agissait de ma copine, entre guillemets, le fait de voir un autre pénis la pénétrer m'a plu, comme il était mon ami et que j'avais pour habitude de le sucer, voir sa queue entrer en elle me plaisait. Elle avait envie que je l'embrasse devant lui. Il refusait par contre, et je pouvais le sucer juste avant qu'il la prenne, lécher sa queue qui entrait et sortait. En général, il voulait qu'ensuite je la pénètre, c'était le moment que je préférais le moins. Celui qui m'apportait le plus de sensations, c'était la pénétration, et de pouvoir le lécher de ma langue pendant qu'il jouissait. Je me souviens d'un matin particulier où elle se préparait à partir travailler et moi qui le suçais tranquillement son amant qui a joui dans ma bouche pendant qu'elle me regardait. Décrivez vos pensées initiales concernant la sexualité féminine. J'ai du mal à me souvenir de cela, comme si j'y avais pensé très tard. Le souvenir qui émerge, c'est la sensation d'être engouffré. L'idée de pénétrer une femme me semblait terrible, violent et brutal. Faire du mal, et en même temps que j'allais être avalé moi-même. Je me souviens d'un rapport avec une de mes premières copines, j'avais plus de 25 ans, où clairement, pendant que j'étais en elle, j'ai eu la sensation de me noyer et d'étouffer. Comment pouvais-je remplir sa féminité? J'allais lui faire mal, la responsabilité me paraissait écrasante. J'avais dans l'esprit que je devais jouir, mais comment allais-je faire? Des tas de choses encombraient ma tête pendant que je devais la satisfaire. Je préférais de loin la caresser, la ressentir, sentir son corps palpiter, sentir son odeur, la voir dormir. Je me rappelle aussi d'un souvenir d'une jeune fille de mon âge alors que j'étais à l'école primaire, elle habitait dans mon immeuble. Elle avait un cerceau rose, je jouais avec elle et je me souviens de la honte le jour où ma tante, qui à l'époque habitait encore avec nous, m'a dit que j'étais amoureux. À l'époque, l'école n'était pas mixte, il y avait d'un côté l'école de garçons et de l'autre l'école de filles. Ce vague souvenir ne semble pas être lié à une sensation sexuelle exacte, mais ce fut le premier émoi. Il y eut ensuite une copine de collège, pardon, en quatrième. Elle était belle, provocante, elle sortait avec des mecs des classes supérieures, elle nous traitait de gamins, il y avait de la fascination et de la répulsion. En fait, j'aurais aimé être près d'elle, simplement, même si elle sortait avec d'autres, mais je n'osais pas lui en parler. Était-elle plus vieille, plus jeune ou du même âge que vous? Le même âge, je pense. J'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus vieille, plus mûre, que je ne pouvais pas être son égale. Vous souvenez-vous des actes sexuels auxquels vous avez pensé tout d'abord avec les femmes? Oui, les caresser avec mes doigts, comme si je voulais les visiter. Dans vos pensées, c'était de vous qu'il s'agissait ou d'un autre? Lorsque je pensais à faire l'amour à une femme, c'est-à-dire lorsque je changeais à l'acte de pénétration, il s'agissait d'un autre, en tout cas quelqu'un d'extérieur à moi. Je ne ressentais aucune sensation particulière à l'idée de pénétrer une femme, ce n'était pas ce qui me motivait. Par contre, j'imaginais les caresses, les voir nues, les regarder, les lécher. Cela, c'était moi qui le faisais. Décrivez le premier sentiment d'amour. Le premier vrai sentiment amoureux date de la faculté d'une jeune fille en droit. J'avais l'impression d'avoir partout, elle me semblait magique. J'aimais juste être près d'elle. Comment vous sentiez-vous? J'étais bien, je me murais dans le silence, je l'aidais à faire ses devoirs, je m'arrangeais pour aller dans ses parages, pour qu'elle me voie. Quelles étaient vos pensées? Je la trouvais magnifiquement belle. Je crois n'avoir jamais imaginé précisément de relation sexuelle avec elle. J'ai acheté une fois une énorme peluche que j'ai voulu lui apporter. À mi-chemin, j'ai fait demi-tour et j'avais honte. Lui en avez-vous parlé? Je ne lui en ai jamais parlé. Je n'en ai même jamais parlé à mon entourage, je savais qu'elle sortait avec un autre garçon, mais ce n'était pas grave. C'était une reine. Au bout de quelques temps, je me suis abstenu de la voir, je ne voulais pas la gêner. Décrivez votre première expérience sexuelle avec une femme. Le souvenir est très net. En 82, j'avais 26 ans, elle devait en avoir 23 ou 24, elle m'avait dragué la première. Nous étions chez des amis qui m'hébergeaient dans l'attente que j'ai un appartement. Ils avaient organisé un dîner. J'ai su plus tard que c'était organisé ainsi. Elle me fascinait. Il y avait dans son regard, dans son attitude, quelque chose qui m'attirait. Je n'avais pas le choix. Le repas terminé, nos amis ont organisé une mini-boom. Nous avons dansé. Plutôt, j'ai dansé avec elle. Elle était provocante, elle se frottait à moi, me touchait. Au bout de quelques temps, nos amis nous ont laissés seuls. Dans la grande pièce, salon sans la manger, dans laquelle je dormais. Elle a ouvert le canapé-lit, je la regardais faire, il y avait une grande porte-fenêtre qui donnait sur un parc. Elle n'a pas fermé les volets, elle m'a déshabillé. Elle était encore habillée, elle touchait mon sexe, je bandais, j'avais peur, j'étais terrorisé, elle allait m'avaler, puis elle s'est déshabillée, m'a poussé dans le lit et montée sur moi, et je ne devais pas bouger. J'étais en elle, reine, je pensais à jouir, mais je n'y arrivais pas. Elle me disait que c'était bien, que j'étais dur, qu'elle pouvait en profiter. Elle a joui, ou fait semblant. Elle allait parfois chercher à boire, cela durait presque toute la nuit. Au petit matin, elle m'a embrassé en me disant que c'était pas mal. Quelles étaient vos pensées et sensations pendant l'acte? Qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose, que je devais lui faire confiance, qu'elle saurait comment faire, que je ne devais pas débander, que je devais être parfait. Je me sentais inutile en même temps. J'avais envie de la caresser, mais je n'avais pas le droit de le dire, de la regarder. Mais ce n'était pas bien, qu'elle était brutale, elle m'a fait mal une ou deux fois, mais que ce devait être anxieux, que ça se faisait, que j'avais peur, que je me demandais quand ça allait prendre fin, qu'il fallait que je sois un homme. C'était une tempête, des vents violents, des courants contraires. J'étais fier de penser que j'étais un homme puisque je faisais l'amour à une femme. En même temps, je trouvais cela ennuyé et malsain. Quelles furent vos émotions et vos pensées après l'acte? Voilà, j'étais un mâle, mais pourquoi partait-elle vite comme cela? Pourquoi je ne pouvais pas la caresser? Pourquoi je n'avais pas joui? Je devais être amoureux d'elle puisque j'avais pu la pénétrer. Et ce n'avait rien d'extraordinaire. Ma tête était vide, je ne me sentais pas bien, juste normal, sans plus. Les questions continuaient à tournoyer. Avez-vous eu l'impression d'avoir réussi? Oui, dans le fait que j'étais arrivé à avoir une réaction, alors que j'en étais pas sûr, mais finalement non, que je n'avais pas été moi-même, et surtout n'ayant pas joué, je me demandais pourquoi. Décrivez votre ressenti sur les mauvaises filles. Les premières pensées ont été pour une mauvaise fille. Ce n'était pas ce que je pensais d'elle, c'était ce qu'on disait d'elle autour de moi. Il y avait des tas de rumeurs sur elle, sur ses copains de lycée, sur sa mauvaise vie. Je ne les écoutais pas, en fait. Je détestais entendre ça. Est-ce que ces rumeurs vous excitaient? Non, elle m'intriguait, elle m'est arrivée de penser que j'étais moi-même un mauvais garçon et de mauvaises pensées. J'ai souvent eu des fantasmes de vieux collectif où j'étais la victime. Vous masturbez en pensant à ces mauvaises filles? Pas dans mon souvenir. Êtes-vous sorti avec une de ces mauvaises filles? Pendant ma scolarité, jamais. Par la suite, en y songeant, j'ai plutôt été attiré par ce genre de femmes qui n'ont pas froid aux yeux, celles qui savent prendre l'initiative. Cela ne suffit pas à dire qu'elles soient de mauvaises filles. Mais certaines avaient cette réputation. Comment l'avez-vous ressenti pendant? Une certaine fierté que ces filles s'intéressent à moi. Il ne me semblait ne pas mériter leur attention. En même temps, j'étais comme extérieur. Il n'était pas possible que cela dure. Ce ne sont pas des femmes que l'on peut aimer. Elles sont dans un monde étranger et n'ont rien de commun avec l'amour qui doit être pur. En fait, c'était stupide. J'avais envie d'être avec elles, qu'elles s'occupent de moi, que je les protège. J'aimais le fait qu'elles savaient ce qu'elles voulaient. Elles étaient très nature, franches et ouvertes. J'avais l'impression que je pouvais leur parler, même si je ne le faisais pas. Comment le ressentiez-vous après? De toute façon, je n'étais pas à la hauteur. Et puis, ce n'était pas d'amour, puisque c'était de la baise. Les deux mondes étaient étanches. J'étais comme insensible. Alors qu'en fait, je les aimais, mais je n'osais pas les aimer. Il fallait que je les fuis, sinon elles me mangeraient. Vous souvenez-vous d'une expérience de cocufiage pendant vos années d'adolescence? Par exemple, une petite amie rencontrant quelqu'un d'autre qui vous a excité? Pour autant que je m'en souvienne, cette expérience était précédée très peu de temps auparavant d'une soirée en boîte avec une petite amie, plutôt du genre mauvaise fille qui s'est laissée draguer devant moi par cette amie. Cela m'avait rendu furieux, mais en fait très excité. J'avais profondément envie qu'il se passe quelque chose. J'imaginais qu'elle me mentait. Je ne lui en ai jamais parlé. La relation ne concernait que la fille et moi qui s'appelait Nathalie. J'avais aussi très profondément la sensation que de toute façon cela devait arriver, que je ne pouvais l'éviter, puisque je ne pouvais la satisfaire. De quoi exactement, je ne savais pas. À partir de cette époque, j'ai souvent avancé comme argument que j'étais très sensuel. Je me rends compte qu'en fait, c'était un pseudo-argument qui signifiait que je ne pouvais faire l'amour à la manière dont j'imaginais qu'on devait le faire. Mon obsession, ça l'est encore aujourd'hui, c'est que la femme trouve du plaisir dans notre relation. Le mien n'est pas d'une importance capitale. Je sais que de manière traditionnelle, cela n'est pas suffisant pour m'amener le plaisir. Physiquement, cela m'importe peu. Ce que ressent l'autre, ce que je peux lui donner, lui offrir, et surtout qu'elle ne puisse pas comparer ma performance à d'autres. Je suis différent aussi pour cela. En repassant ce que vous avez écrit, en le relisant, en listé, décrivez les éléments relatifs au coquifiage. Durant vos années de formation, comme la masturbation, le voyeurisme, l'humiliation, et d'autres sensations que vous pouvez relier à votre situation actuelle. En relisant ce que j'ai écrit, je me perçois que nombre d'éléments sont déjà présents dans mon imaginaire, comme dans mes expériences réelles. J'ai été voyeur, exhibitionniste, j'ai une préférence pour la masturbation par rapport à l'acte. J'ai apprécié les humiliations, comme le fait de voir ma copine de l'époque draguer mon ami, pour l'une, coucher avec lui, pour une autre. J'ai aimé aussi être traité en objet par la première à m'avoir prise, j'ai longtemps pensé être homosexuel. Et actuellement, j'ai conscience de ne pas pouvoir permettre à ma femme d'être satisfaite sexuellement par moi. Mon esprit est encombré de pensées qui me détournent de sa seule satisfaction. Je n'arrive pas à ressentir le plaisir de l'instant présent. Je me place volontairement en situation d'objet qu'elle peut utiliser, ne peut concevoir que je puisse lui faire lui donner du plaisir. Je formalise de plus en plus une relation de cocu dans mon mariage, parce que cela me semble incontournable, et je ne sais pas si je peux arriver à me comporter autrement. Décrivez votre histoire sexuelle pendant vos années adultes. J'ai commencé par les hommes, jusqu'à me convaincre que j'étais homosexuel. J'en ai connu peu, essentiellement un. Albert, qui a fait partie de l'expérience à trois. Après son départ, j'ai connu une femme normale, j'ai eu un enfant avec elle. Pour jouer en elle, je devais me concentrer. Penser à autre chose, elle prenait très peu l'initiative, cela me permettait de la caresser longuement, mais elle ne me satisfaisait pas. Au bout d'un certain temps, je l'ai trompée d'abord avec des relations par Minitel, puis lorsqu'elle m'a rejoint en Normandie, avec une de mes assistantes, bientôt suivie d'une autre. Pendant ce temps, nous avions un enfant, puis je suis tombé amoureux d'un garçon. En fait, je pense qu'il me rassurait sur moi-même, compte tenu de mon insatisfaction, je devais forcément être homosexuel. Ça a duré très peu de temps, il a pris peur lorsque je lui ai dit que j'allais quitter pour lui. Lorsqu'il m'a quitté, cela m'a paniqué, j'étais déprimé. J'ai dragué des mecs par minutes, je les ai collectionnés, c'était rapide. Il n'y en eut plus parfois plusieurs dans la nuit, j'avais l'impression de me salir, je ne jouissais jamais pendant, mais une fois seul dans la nuit ou au petit matin, je me masturbais longuement. Ce qui m'excitait le plus, c'était la situation. Le point culminant a été atteint avec un jeune homme qui m'a demandé un soir de mettre une robe pour venir rejoindre ce que j'ai fait. Il a essayé de me sodomiser, mais il avait une petite queue. Il a juste giclé sur mes fesses. Après cette expérience, j'ai voulu me renfermer sur moi, j'ai changé de boulot, je l'ai quitté, j'ai écrit une lettre parlant de suicide qu'elle a trouvée. Je suis arrivé ailleurs en août 92. Quelques mois plus tard, j'ai fait la connaissance de ma reine, c'était doux et fort. Je n'ai pas pris conscience tout de suite de son importance, j'aimais sa nature franche et ouverte. Je me rappelle l'avoir appelé un soir tard d'une cabine téléphonique. C'est ce soir-là que j'ai su que je l'aimais. On a parlé bouquin, j'avais chaud en moi pour la première fois. J'aurais pu rester à ses côtés, j'avais envie de la défendre, de la protéger. Un soir, elle m'a demandé de lui faire un enfant. J'en avais envie, nous l'avons conçu, j'ai joué avec elle. Inconsciemment, il n'y avait pas de charge, je n'étais pas coupable, j'étais à la hauteur pour la première fois. Je suis allé habiter chez elle. Puis pour mon anniversaire, elle est venue me montrer ses seins dans mon bureau, c'était naturel. Nous sommes allés à Amsterdam, c'était magnifique. Puis il y avait sa fille, je lui ai offert une peluche pour son anniversaire et elle m'a adopté. Puis, on a voulu la licencier, je suis parti avec elle. J'étais comme son chevalier, je devais la protéger. J'ai retrouvé du travail, ce fut dur au début parce que nous avions un retard financier que j'ai pas su gérer. La situation était à la fois meilleure et plus critique. Elle a accouché, la vie était calme et douce, je l'aimais. Physiquement, c'est à cet instant que j'ai commencé à ressentir les premiers fantasmes. Il était lié à l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Je pensais que ça ne pouvait pas durer, que je ne pouvais pas être aussi léger qu'elle, que je ne saurais pas garder près de moi une femme aussi intelligente et aussi belle. J'avais peur de moi, de mes désirs, d'être anormal, d'être attrapé par je ne sais quoi. J'étais émerveillé qu'elle me fasse l'amour, malgré ce que je pouvais lui dire à l'oreille. Puis il y eut un professeur au collège où elle travaillait, le compagnon d'une Marie-Elle, le plus jaloux. Je me souviens d'un après-midi où je rentrais après le boulot, où il était là, avec elle. J'ai été jaloux, mais en même temps, cela me semblait normal. Je n'ai rien imaginé. J'avais l'impression de plonger. Au bout de quelques jours, j'ai demandé à ma reine ce qu'elle pensait. J'ai ressenti une frayeur extrême, elle aurait dû savoir l'importance que j'attachais à un livre que j'avais écrit. Elle lisait dans mes pensées, elle était la femme de ma vie. J'ai eu un sentiment d'abandon très fort, elle s'était éloignée, elle ne s'intéressait pas à moi, je n'existais plus. J'ai donné le manuscrit à Marie-Elle, et nous avons passé des soirées à discuter de littérature, j'ai touché une fois, ni rien de plus. Je ne désirais pas. Je ne bandais pas. Elle appartient à ta reine, m'a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Elle me rassurait sur la littérature, j'aimais l'écouter, cela me suffisait. J'avais l'impression de ne plus être par ma reine. C'était l'époque de notre mariage. Je sais aujourd'hui que ma reine m'en a voulu de lui avoir pris son ami. Je ne sais pas si ce comportement était conscient, ce n'était pas mon objectif, mais ce fut le résultat. Puis nous avons déménagé. Elle a fait connaissance d'une copine, par l'intermédiaire de l'école. Je ne suis pas intervenu dans cette relation. J'ai voulu l'éviter. Je ne voulais pas donner l'impression de m'interposer. Puis un jour de son anniversaire, ma reine est revenue très tard. Nous avons fait l'amour ce soir-là. J'étais intimement persuadé qu'il s'était passé physiquement quelque chose entre elles deux. Elle n'a pas démenti, mais devait-elle approuver ou démentir? Je n'avais pas de jalousie, ça ne me gênait pas que ce soit vrai ou faux. C'est dans la même période qu'il y a eu le baptême républicain d'une amie à nous. Lors de cette soirée, j'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose. Je savais que ma reine était attirée, pas forcément sexuellement, par un homme. Dans la soirée, elle s'est levée de table. J'ai vu cet homme sortir aussi. Quoi qu'il en soit, je me suis levé au bout d'un instant persuadé qu'il se passait quelque chose. J'ai été aux toilettes, je suis sorti dehors. Elle était en train de fumer avec lui. Je me suis planté là, bien décidé à ne pas laisser faire. J'étais dans un état extrême de jalousie et d'excitation. Nous avons été dormir dans la maison de ma belle-sœur. Nous sommes partis plus tard dans cette chambre. J'étais excité au plus haut point par l'idée qu'ils avaient ou qu'ils allaient faire l'amour ensemble. Je l'ai évoqué à son oreille. Elle évoquait plutôt le désir de sucer la queue, ce qui m'excitait de plus en plus. Je lui ai dit « Montre-moi comme tu as envie de lui. » Sa chatte était plus humide que jamais. Elle a été d'une sensualité extrême et nous avons joué très fort ensemble. Lors de nos rapports, il était devenu coutumier que j'évoque ce fantasme en parlant à son oreille de plus en plus clairement. Il me semblait que je n'arrivais pas à sortir de cet engrenage. J'étais incapable d'exprimer autrement mon désir. Je n'arrivais pas à oser la caresser simplement, la toucher, lui exprimer mon désir d'elle. J'avais l'impression qu'elle ne me désirait pas. Je n'arrivais pas à voir, à lire son désir, je me sentais maladroit et pas à ma place. Lorsque je la touchais, elle ne me repoussait pas forcément, mais ne répondait pas non plus à mes avances. J'attendais la nuit, le soir, parfois sans rien oser dire, la lumière éteinte pour la caresser. Lorsqu'elle ne me repoussait pas, commençait alors le rituel dont je n'arrivais pas à me défaire. Ce n'était plus moi qui lui faisais l'amour. Il me semblait que ne pouvant la satisfaire, il fallait que je lui offre un autre homme, que cela lui plairait plus que moi. Lorsque je la sentais humide, cela confirmait cette impression. Je n'ai jamais essayé de modifier cela, cela me semblait sûr, de plus en plus en même temps. Je détestais cette routine qui se répétait, cela ne correspondait pas à l'amour que j'ai pour elle. Peu avant de partir pour un autre travail, il y eut le retour d'un ami qui avait été contrôleur en gestion. Elle s'était très bien entendue avec lui, et là aussi j'avais été assez fier de moi. J'avais laissé évoluer cette situation sans trop m'en mêler, ce fut différents moments de son retour. J'avais été étonné par ce retour après un départ brusque sans donner de nouvelles. C'est certainement par jalousie que je me suis laissé aller surveiller sa messagerie. Je lisais les messages et les réponses, la moindre ambiguïté mettait mon imagination en feu. Il était évident à mes yeux qu'il y avait quelque chose entre eux. Ils évoquaient une vie durée à Paris. Il avait mis le mot « shopping » entre guillemets. Elle lui répondait que mon emploi du temps facilitait cela. Cela m'enflammait jusqu'à un soir où il lui envoyait un message de Nice en sortant d'un restaurant, en lui disant qu'il pensait à elle, qu'il l'embrassait. J'ai regroupé les messages et attendu un samedi, nous sommes allés à Rouen, boire un café ouvert de l'échiquier près de la Fnac. J'ai tendu à ma reine. Elle a nié, j'étais dubitatif. Je voulais la vérité, je la croyais, les doutes me rongeaient, mais je la croyais. Le lendemain dimanche, elle est sortie chercher du pain. Elle l'avait appelé. Ah, les factures de téléphone, c'est terrible. Il n'y a plus jamais eu de nouvelles de lui, à ma connaissance en tout cas. J'étais certainement insupportable, du coup je parlais peu à la maison, je faisais de mauvaise humeur, et comme chaque fois que je m'enferme d'une suffisance et d'un désir extrême. Dans mon travail un peu éloigné, je me trouvais seul, sans connaissance, devant me méfier de tout en permanence. Heureusement, le paysage était beau. Et pour tuer le temps, je cherchais sur internet, j'avais envie d'écrire, mais je n'y arrivais pas. Je voulais lire, mais au bout d'un moment, je me relevais. La télévision ne suffisait pas, je ne savais pas à qui parler. J'ai chatté pendant des heures avec des personnages intéressants. Je ne draguais pas, j'allais souvent sur le canal culture de Tiscali. J'avais besoin de ces moments où je pouvais me laisser aller, j'avais l'impression d'être en permanence sous pression, sous observation. J'aimais les week-ends à la maison, mais je ne voulais pas que ma reine ressente ma solitude et ma peur parfois. Je ne voulais pas être un poids, j'essayais d'être doux, rassurant. Je faisais la meilleure figure possible. L'attachée de presse dans mon nouveau travail se montrait plus accessible, la plus attentive. Elle venait me voir au bureau, me parlait ouvertement. Un soir, après une journée à l'extérieur, je l'ai ramenée chez elle, nous avons dîné ensemble, elle me parlait de sa vie, de ses difficultés avec son mari, de ses enfants. Il faisait beau. J'avais quelqu'un à qui parler. Nous avons continué de nous approcher l'un de l'autre à pas lents, sans vraiment de désir de ma part, jusqu'à un soir sur la terrasse où elle me parlait de ses besoins de domination. Elle me dit avoir décelé en moi ce comportement de soumission qu'elle aime tant. Comment t'expliquer l'effet que cela me fit? Nous dînâmes ensemble, nous parlâmes de choses et d'autres, mais je ne pus m'empêcher au dessert de revenir sur le sujet et de demander des précisions. Lorsque je suis rentré ce soir-là, je doutais, de moi d'abord. J'étais étonné par l'excitation que je ressentais. Je pensais que c'était encore ma perversion qui me musitait, que décidément j'aimais trop ces situations glauques. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet, sur ce que c'était. J'ai recherché sur le chat des canaux de conversation sur le sujet. Cela a ouvert la porte à beaucoup de fantasmes, des réalisables, d'autres moins, d'autres qui ne devraient même pas exister. Puis un jour, alors que je continuais à discuter avec elle de la chose, elle m'adressa un message où elle s'invitait à l'appartement en me donnant des instructions. J'étais fasciné. J'ai compris sur là que cela me convenait vraiment. L'intensité du plaisir que j'ai ressenti était incomparable. Ce qui ne me convenait pas, c'est que je ne l'aimais pas, qu'elle ne m'aimait pas non plus. Cette découverte dépassait pour moi ce que j'avais pu imaginer. C'était un monde que j'avais à peine effleuré en lisant ça qui ne m'avait pas plu. En scène, il faut le dire, c'est la femme qui se soumet. Je crois n'avoir jamais osé imaginer que ce pouvait être l'inverse. Je pense qu'en fait, j'ai dû refuser d'admettre cette possibilité. Quelque chose en scène m'excitait, mais pas les scènes que je lisais. Je ne comprenais pas et cela me mettait mal à l'aise. L'absence d'amour dans la relation la condamnait. Il y eut la première, comprise, deux rencontres. À l'issue de la seconde, confirmation physique pour moi, elle conclut en disant que j'étais fait pour cela, mais qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi, qu'elle ne m'aimait pas, et qu'en ce qui me concernait, je n'étais pas amoureux d'elle. J'ai poursuivi mes recherches sur le sujet, encore étonné de cette découverte, trop axée sur mes propres fantasmes. J'ai appris à aborder les gens sur les canaux spécialisés dans ce genre de relation. J'ai obtenu plus d'informations, des fantasmatiques jusqu'aux plus sérieuses. Pour tous, cependant, tout cela était basé d'abord sur le respect et sur la confiance. J'ai appris que la principale difficulté du soumis, c'est de faire confiance, et la principale difficulté de la dominante, c'est d'accepter cette confiance et de savoir l'utiliser. Bien au-delà des aspects physiques, par le chat c'est assez limité, les aspects philosophiques et la connaissance que cela m'apportait de moi m'ont enrichi. Je ne comprenais pas au départ pourquoi tout le monde insistait sur l'évolution, sur la réflexion que ce chemin supposait. Je t'ai écrit trop vite à l'époque. Je parlais à ma reine, maladroitement, à peine née. Ce dit être effrayant, et en même temps je voulais être honnête, dire les choses. J'avais l'impression d'avoir découvert ma vérité. Je sais qu'elle était incomplète. Ta réponse à l'époque ne m'a pas étonné, mais en même temps elle confirmait que je n'étais pas à la hauteur. Tu me demandais de te rejoindre, j'imaginais des sommets inaccessibles, une tâche lourde à porter, impossible à assumer pour moi. J'avais l'impression de te perdre, que plus rien ne pourrait sauver ce qui nous avait unis, que j'avais encore une fois tout gâché. Je sillais en permanence entre la poursuite de la recherche et tout envoyé paître. J'ai fait la connaissance par internet de Blue Lola, une jeune belge, switch comme on dit dans le milieu, dominante ou soumise selon les circonstances. Pour moi, elle était dominante bien sûr. C'est un dialogue amical. Elle m'avait tout de suite dit que de toute façon, elle ne touchait pas aux hommes mariés, que si ce n'était pas des fantasmes, il fallait qu'ils en parlent avec leur femme. Notre relation sur internet n'a donc rien eu de physique. Elle fut amicale. Elle m'a beaucoup appris. J'ai passé des nuits blanches à discuter avec elle. Je ne sais pas comment j'aurais passé ces longs mois à naviguer dans une terre étrangère sans elle. Elle m'a permis de mieux m'étudier, mieux me comprendre. J'étais encore trop à la surface des choses. Lorsque je suis revenu, j'ai voulu tout arrêter, plus de chat, plus de pensées de ce genre. Je revenais à toi, pur et sans mauvaises intentions. Sauf que cette idée de portée est stupide, il vaut mieux être soi-même. En plus, le régime de travail était dur. J'en arrivais à moins de voir qu'avant, pas de possibilité de t'envoyer un message. n'allez pas taper sans arrêt, vous risquez d'être dérangé. Et physiquement, ce désir intense de toi, mais cette incapacité à gérer le rituel, que je détestais vraiment. J'avais l'impression particulière de plonger plus loin dans ce que je suis, et en même temps de ne pas être honnête, de ressentir de plus en plus fortement un écart entre ce que je voulais, être bien, et ce que je vivais. Je ne voulais pas non plus te rendre malheureuse. N'ayant plus le temps de toute manière de vraiment te chatter, de retrouver plus là, j'ai cherché d'autres correspondantes. Pourquoi ai-je pensé à Guylaine pour cela? Mystère. Une allure, une sensation. Quoi qu'il en soit, comme tu l'as appris ou deviné, je ne sais pas. J'ai entamé avec elle une conversation. Je me suis ouvert assez rapidement de ma volonté de soumission. Et nos échanges en sont restés au niveau philosophique. Même si, comme d'habitude, j'ai tendance à m'enflammer rapidement, d'autant plus que j'ai toujours rien fait pour elle. Enfin, j'étais content d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Jusqu'au jour où, soudainement, elle cessa de donner le moindre signe de vie. J'en ai conclu que je la gênais, qu'au mieux je lui posais des problèmes, ce que je peux concevoir. Depuis, je continue de faire évoluer ma réflexion. Je tais-toi maintenant comme maîtresse, même si tu n'en veux pas le titre. Je n'en recherche pas particulièrement d'autres, c'est à toi que je tiens. Il m'a semblé honnête, ce certain soir, m'ouvrir à toi de mon évolution et mon besoin d'abandonner le contrôle, y compris physique. Il s'agit bien d'une évolution lente et réfléchie. Comme tu pourras le lire, cela s'explique. Je ne sais pas si cela se soigne ou doit se soigner. Je sais que pour être mieux et te permettre d'être mieux, tu as droit à toutes ces explications. En tout cas, je n'imagine pas faire autrement. Tu m'as souvent dit qu'il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Rassure-toi, j'en garde, mais il me semble important de pouvoir te dire l'essentiel et au moins les motivations. Tu dois savoir que je partage ton idéal de vie et ta philosophie. Pour le reste, le fait que je sois un homme avec mon éducation, mon histoire, mes penchants, m'entraîne sur ce chemin. Et après tout, celui-ci est-il si terrible? Et est-ce que cela modifie le regard que j'ai sur toi, sinon ambiant, plus ouvert, plus sincère et plus profond? Je t'aime. Quel est votre acte favori? Caresser le sexe d'une femme. Votre fantasme favori? Être un homme soumis à une femme qui a le contrôle. Avez-vous eu une expérience de cocu à l'âge adulte? Non. Pourquoi voulez-vous aller plus loin? Il y a une raison altruiste. Je souhaite que ma femme puisse connaître le plaisir à sa manière parce que je n'imagine pas le droit de refuser cela. Il y a une raison sexuelle ou fantasmatique, cela m'apporte une excitation, même si je ne suis pas voyeur. Il me semble souvent que c'est mon destin d'être fait cocu. Je veux aussi savoir ce qu'il en est réellement. Vous définissez-vous comme un cocu? Oui, je pense en avoir les caractéristiques par mon comportement, mon allure physique, mais essentiellement parce que je ne peux imposer à ma femme mes propres désirs contre les siens. Que désirez-vous comme cocu? Que ma femme puisse vivre sexuellement ce qu'elle a envie de vivre sans que je puisse m'y opposer. Elle peut ne rien me raconter, mais je dois savoir qu'elle a un amant. Je n'ai pas à la satisfaire sexuellement, mais je peux la masser, particulièrement ses pieds, si elle le souhaite. Elle n'a pas à justifier. Quelles sont vos limites? Je ne veux pas la perdre.